dans ma tête, c'est le calme plat. Je me remémore le passé, le chemin qu'on a tracé. Là me calme, j'ai l'arme et là je me calme. Sur le truc pour parler tranquillement. J'ai du mal à bouger quand il manque. Que des choses restent pas dans la zone, dégage gentiment. J'ai peur eux quand ils rentrent. Dans ma tête ils m'ont dit non. Tu finiras seul avec la sueur sur le front des continents. Je te tape dessus, je suis grave déçu par tous ces fils de pute. Tu pars, t'as pas de vécu, même pas TV, tu fais gaffe. La prise de plume, ils te parlent d'amour, ne savent même pas ce que c'est. Hey, dis-moi que je gêne la vérité qui sort de ma bouche, fait peur, tu ne sais même pas ce que c'est. Hey, marre des chaînes, arde des cèdes, me la mettre en vrai, faut pas que t'essaies. Batte les chaînes, je grimpe en flèche, de la joie, de l'amour, combatte l'échec. Pas de déchets, tranquille, t'es bon, dépose de la bombe, je vais sortir le pompin, pack de 16. Tu risques de tomber, pas de dessert, je vais te plomber. Man, il est évident qu'on gronde, déconne pas le talent, il est temps qu'on le montre. Man, il est évident que ton monde ne colle pas la dalle et mes dents sont longues. L'enfer nous tend les bras, des tas de rimes dans le partage. Je fais pas partie de ces gars qui se la racontent, mais qui savent pas stop. Je suis instable, je kiffe les bails, mes ennemis me font casser des barres et guette la victoire. Pas de victoire, des bêtes et des gars, je ma frappe, bête des gars. N'était qu'un rêve, j'ai essayé de faire la part des choses qu'on m'a dit. Ne te laisse pas emporter par les autres, j'ai décidé moi-même mon chemin. Parfois on se chamaille, à quoi ça mène de trop réfléchir quand tout va mal. Issu d'une relation perfide, imparfaite, j'ai dépassé les bords, un pas c'est pas si simple. Mon rap n'est pas si simple, j'suis partisan du mal, personne pourra me cerner. Je vais effacer toutes mes traces, le destin sera planifié. Toutes les histoires ne sont pas liées, j'ai plus de barres dans le barrier. Des tonnes d'idées sont là si t'en as marre de te la prendre, resserre tes barres depuis le départ. Pardonne-moi si je fuis ton regard, je pète des cartes, l'équipe débarque. La journée m'a claqué, la drogue me calme et la mort m'acclame. Je ne vois que les soupirs décident, mais nos souvenirs, il faut subvenir à nos besoins. Mais là, l'ennui s'empare de nous. Et je n'hésite pas devant tous ceux qui partent, c'est juste une patate, ça va les calmer. Des vies partent de ta route, faire calme-toi. Si tu continues à faire fou, on va t'arroser. L'enfer nous tend les bras, des tas de rimes dans le partage. Je fais pas partie de ces gars qui se la racontent, mais qui savent pas stop. Je suis instable, je kiffe les bails, mes ennemis me font casser des barres et guette la victoire. Pas de victoire, des bêtes et des gars, je m'attrape, bête des gars. Tu pourras tourner que si tu le colles à ton boule, tu tiens. Le bon bout tu perceras que si le chibre a bon goût. Des comme toi, y'en a beaucoup, alors pourquoi tu fais le mec à part? Faire mieux que les autres, est-ce que t'en es capable? Plus rien dans les placards, à part des frères y'a plus que nous. La meuf en chien s'allonge trop vite, tiens plus debout, je reste à part. Des armes du shit, un flash dans le cartable, c'est un part. GI2M, je débarque, je laisse ma trace. L'enfer nous tend les bras, des tas de rimes dans le partage. Je fais pas partie de ces gars qui se la racontent, mais qui savent pas stop. Je suis instable, je dis que les bails, mes ennemis me font. Casser des barres et guette la victoire, pas de victoire, des bêtes des gars, je m'attrape, bête des gars. L'enfer nous tend les bras, des tas de rimes dans le partage. Je fais pas partie de ces gars qui se la racontent, mais qui savent pas stop. Je suis instable, je dis que les bails, mes ennemis me font. Casser des barres et guette la victoire, pas de victoire, des bêtes des gars, je m'attrape, bête des gars.